Quand on parle du loup, on voit sa queue d'un coup. Quand on dit Michel-Ange, on voit Mickey, pas l'ange. Mais quand on voit le Marcel, on voit son piano à bretelles. Quand on parle du renard, on pense à ses histoires. Quand on dit la Joconde, son sourire nous inonde. Mais quand on voit le Marcel, on voit son piano à bretelles. Quand on dit la Belette, on pense à Picassiette. Même quand ça Picasso, on pense à Picasso. Mais quand on voit le Marcel, on voit son piano à bretelles. Quand on sait que Marcel fait le bal à Sarcelles, son piano à bretelles nous jette sur la bretelle. Mais faut quand même faire attention, ne pas finir en accordéon.